cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bon fin d'après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale en direct de Sequoia, Québec, et en compagnie, en très bonne compagnie, comme à toutes les semaines, de l'équipe complète de Puissance Maximale. Et j'ai nommé François G. Couillard. C'est le Vincent Langlois. François, et il s'est levé sur le bout des pieds, mais c'est parfait, yes, en studio. Ça va super bien, yes, on a également Michael Michaud avec nous. Salut tout le monde. Andrew Castegan. Yo. Et Guillaume Forand qui fait des pieds et des mains pour nous mettre la musique et tous les petits jingles aujourd'hui. Salut Guillaume. Salut Vincent. Une émission très chargée, il y a plein de choses à discuter du côté geek, du côté technologie. Aujourd'hui, vous allez voir, ça va être assez varié. Tout d'abord, de ton côté, de Michael, tu vas nous parler. Je vais vous parler d'un beau petit gadget pour geek, le nouveau téléphone. En fait, un des seuls bons coups de Sony récemment, le téléphone, le Sony Ericsson Xperia Play, dont j'ai pris acquisition la semaine dernière. Et j'ai bien hâte d'entendre parler de ça. On l'a vu, on n'a pas encore pu y toucher, mais on a vu vraiment le petit gamepad là, pour jouer avec la croix, les quatre boutons. On a même les triggers en arrière. Ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir un peu le type de jeu qu'on peut avoir là-dessus et un peu le rendu fini là, au terme visuel. François, on va aller à Montréal également. On va aller rejoindre Chantal Campagna de Distribution d'Oud. Elle va venir nous parler des sorties en jeu de plateau. Excellent. Et Guillaume, on va discuter, en fin de compte, d'un roman qui a été écrit il y a à peu près une douzaine d'années. Le premier roman d'une série de quatre qui s'est traduit par une série américaine HBO dont on a parlé. Je ne sais pas si on a parlé en ondes la semaine passée ou si on en a parlé seulement hors d'onde. La mémoire me fait défaut. Mais c'est la série Game of Thrones, donc la série HBO, qu'on a parlé légèrement la semaine passée, mais là, vu que plusieurs membres ont écouté le premier épisode, on va pouvoir donner nos impressions vraiment de la série, qu'est-ce que ça donne. Pour les amateurs de GN qui aiment vivre dans le médiéval fantastique, bien, c'est une série assez intéressante à suivre. J'en ai fait mes premiers pas en fin de semaine vers la fin. Je pense que ça va être une dizaine d'épisodes, donc on pourra revenir là-dessus dans quelques instants. Mais on va y aller tout d'abord avec de la musique. Oui, on va y aller avec une pièce de Jonathan Coulton ou Joko, que je vous ai déjà présenté quelques chansons dans les derniers mois. On va y aller avec la chanson The Evolving, donc dans ce cas-ci, une chanson à propos de quelqu'un qui perd son évolution et qui retourne à l'état primaire, on pourrait dire. Toujours sur les ondes de Sequoia, vous écoutez Puissance Maximale. Eating lots of jungle fruits. I'm Alexey Pajitnov. I'm creator of Tetris, and you are listening to Sans Maximal. Et comme à chaque semaine, la puissance maximale, on reçoit notre amie de Montréal, Chantal Campagnat, alias Fräulein Evil. Salut Chantal! Allô François! Donc, nouvelle sortie d'un jeu de plateau, un jeu qu'on attendait depuis longtemps, Munchkin 3? Oui, Munchkin 3, enfin. En fait, Munchkin 3, c'est une fausse nouveauté parce que c'est une réimpression, mais c'est une réimpression avec plus que 33% améliorée parce que toutes les cartes sont maintenant en couleur. Et évidemment, ils sont maintenant compatibles avec la nouvelle, le nouveau jeu de cartes révisé en couleur. C'est quand même une nouveauté ou fausse nouveauté qui est passablement attendue parce que ça n'était plus disponible depuis bientôt 6 mois. Mmh. Et Munchkin 3, clair et pas net, ça nous donne des nouvelles classes. Donc maintenant, on peut être un barde. Ça nous donne aussi des nouvelles races. Ça nous donne des nouvelles armes qui sont toujours aussi niaiseuses. Mais c'est Munchkin, hein? On peut pas demander la lune. Dis-moi donc, c'est quoi justement les nouvelles classes, les nouvelles races? Ben, nouvelles races, entre autres, on peut être un gnome, on peut être un gobelin, on peut être un barde, on peut affronter le Tequila Piaf, on peut affronter la terrifiante Tati Paladin. Donc, et évidemment, c'est dans cette extension qu'on retrouve la fameuse carte super rare, super chère, qu'on peut aussi retrouver sur eBay, comme le bikini en côte de maille de combat. Donc, c'est encore une fois, c'est de la baston, hein? T'es-tu en train de me dire que c'est une carte qui s'appelle comme ça ou c'est vraiment une vraie carte qu'on peut trouver sur eBay? Non, c'était pour mettre un petit peu de excitant, mais... Non, parce que c'est ça. J'avais eu peur qu'il y avait des pièces, des cartes qui, tout d'un coup, à Munchkin, se mettaient à se vendre sur eBay. J'avais peur un peu. C'est déjà sur votre ordinateur, je le sais. Sinon, il y a un autre jeu, Seigneur des Anneaux, JCA, c'est quoi ça? Le Seigneur des Anneaux, JCA, en fait, c'est vraiment le jeu du moment. C'est un jeu de cartes évolutif. Donc, c'est le principe du jeu de cartes à collectionner sans l'achat aléatoire au niveau des boosters. Donc, on peut vraiment choisir les cartes qu'on va avoir dans notre petite extension, qu'on va pouvoir rajouter dans notre deck. Donc, c'est du deck building, mais c'est plus basé sur le principe du jeu de cartes à collectionner. Ce qui est novateur avec le jeu Le Seigneur des Anneaux JCE, c'est que c'est un jeu coopératif, donc c'est du 1 à 2 joueurs avec une version solitaire qui est terriblement efficace et on va partir évidemment en quête pour essayer de sauver les terres du milieu. Donc dans ce jeu de cartes, les joueurs vont diriger un groupe d'aventuriers, donc c'est vraiment de la gestion et on va essayer d'accomplir des quêtes périlleuses dans la terre du milieu. On va passer donc des champs de la comté, on va aller dans la forêt noire, les royaumes de Gondor, Rohan, bon, l'espèce d'araignée méchante, évidemment. Et c'est un jeu coopératif, donc on joue ensemble. Si on achète 2 boîtes, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc, évidemment, ça va être disponible avec tout un paquet d'extensions qui vont sortir à tous les mois, etc., etc. Mais il est vraiment superbe et très, très efficace. Dis-moi, Chantal, les jeux de cartes à collectionner, là, on a vécu le Magic il y a plusieurs années, la grosse popularité. Est-ce que c'est encore des jeux de plateau, des jeux de table, des jeux de cartes qui sont extrêmement populaires? Bien, en fait, c'est que, tu sais, le jeu de cartes comme l'Appel de Cthulhu, par exemple, ou le jeu de cartes évolutif de Game of Thrones, ce sont en fait des récupérations des jeux de cartes à collectionner qui avaient plus ou moins bien marché. Sauf qu'en jeu de cartes évolutif, parce que ça nous permet de choisir les cartes vraiment qu'on va aller acheter, parce qu'il y a une description dans chaque paquet, on sait ce qu'on a, ça permet de limiter la dépense, mais en même temps, ça donne tout le thrill de faire de la construction de deck comme à Magic. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, finalement. Donc, Le Seigneur des Anneaux, JCE, oui. Un jeu de cartes comme ça à collectionner. Sinon, on se dirige maintenant vers un autre classique, Resident Evil LCG, c'est quoi ça? Ben, encore une fois, c'est la même chose, c'est du deck building, donc le thème de Resident Evil, mais transporté dans le principe du deck building. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les joueurs vont débuter la partie avec les mêmes cartes, et en cours de partie, les joueurs vont aller visiter des endroits pour être capables de s'approprier de nouvelles cartes et devenir de plus en plus efficaces. Donc, c'est le même principe, en fait, que Dominion et que Thunderstone, sauf que le thème est beaucoup plus accrocheur parce que c'est Resident Evil et là, on se bat contre des zombies puis des infectations, etc., etc. La différence, c'est qu'on peut jouer de 1 à 4 avec Resident Evil. Donc, on peut jouer en solitaire. Si on veut se battre tout seul, on peut. Il y a plusieurs façons de jouer. Donc, il y a le story mode, il y a le mercenary mode, il y a le versus mode. Donc, dans une boîte de base, il y a des parties à l'infini parce que c'est pratiquement impossible de jouer la même partie à chaque fois parce que la mécanique, c'est du pigeage de cartes, c'est du card drafting. Donc, c'est impossible de jouer la même partie au niveau de la rejouabilité. C'est vraiment la mec. C'est curieux, ça. C'est un autre jeu qui joue seul, que tu viens de nous parler. J'ai aussi acheté un jeu récemment c'est un jeu de cartes sur le terme c'est Space Hulk. Je pense que le nom du jeu c'est Death Angel et aussi ça joue seul. Est-ce que c'est une tendance qu'on voit se dessiner dans le domaine du jeu de plateau, les jeux solitaires? En fait, c'est une tendance qui existe effectivement et qui émerge de plus en plus parce que les fabricants de jeux de plateau et de jeux de cartes essaient d'aller récupérer la clientèle du jeu vidéo. Parce que dans le jeu vidéo, on joue souvent tout seul, ou le jeu d'ordinateur aussi, on joue de plus en plus seul. On joue seul. Donc, ils essaient d'aller chercher cette clientèle-là de la même façon que les jeux vidéo, les jeux d'ordinateur, eux, essaient d'aller chercher du multijoueur. Donc, vraiment, on se retrouve avec une clientèle de plus en plus commune entre les deux. Mais oui, effectivement, il y a de plus en plus de jeux auquel on peut jouer seul. OK. Donc, le jeu Resident Evil LCG, un jeu de cartes qui joue dans le monde de Resident Evil avec donc du zombie bashing et donc un jeu de cartes à collectionner. Sinon, Escape from the Aliens in Outer Space? Bon, ben là, on retourne vers le jeu super niaiseux. Donc, ça, c'est du 2 à 8 joueurs. On est une gang d'astronautes et là, on est vraiment dans la dèche parce que notre vaisseau spatial est en train de tomber en morceaux et on essaye, en fait, de sauver sa peau. Mais en plus, notre vaisseau spatial a été abordé par tout un paquet d'extraterrestres qui, eux autres, veulent te manger. Donc, en plus de vouloir sauver ta peau, il faut que tu évites la menace et que tu réussisses à te rendre dans ton petit vaisseau pour pouvoir finalement t'échapper. Si je comprends bien, c'est un jeu coopératif? Ce n'est pas du tout un jeu coopératif parce que chaque joueur va avoir un rôle et ce rôle-là va rester caché. Donc, on peut être un astronaute, mais on peut aussi être un méchant. Et à chaque tour, on va piger une carte et sur une carte, on va indiquer où on est rendu et qu'est-ce qui se passe. Sauf que à chaque fois qu'on se déplace, c'est une nouvelle carte secrète que l'on va prendre et parce qu'on n'est pas obligé de montrer aux autres joueurs c'est quoi la carte qu'on vient de piger. Donc, on peut très bien mentir et dire qu'on est dans un endroit alors qu'on est ailleurs. Donc, c'est un jeu de bluff et de baston. C'est aussi du backstabbing parce qu'on a des objectifs qui sont différents. On peut aussi mentir sur notre identité et dire qu'on est un bon finalement alors qu'on l'est pas du tout. Et tout ce qu'on veut, c'est de tendre des pièges et de manger les autres joueurs. Donc ça, c'est du 2 à 8 joueurs. Évidemment, à 2, je ne l'ai pas essayé, mais de 6 à 8, c'est vraiment infernal. Sinon, est-ce que c'est quoi le format? C'est-tu un jeu de cartes ou un jeu avec un board? Non, c'est un jeu de cartes. En fait, ça nous prend papier-crayon parce qu'il va avoir... On a des petites cartes, il va falloir faire un petit peu de dessin. Donc, Escape from the Aliens in Outer Space. Et sinon, on finit avec Yggdrasil. Yggdrasil, on en avait déjà parlé quand on était revenu de Nuremberg, mais c'est un jeu qui n'était pas encore sorti. Ça, c'est un jeu coopératif et on peut jouer encore une fois de 1 à 6 joueurs. Donc, la version solitaire est quand même assez efficace. En fait, nous, Distribution d'eau, en fin de semaine, on est allé à Rouen. Il y avait un samedi jeu d'organiser là-bas et sans le vouloir, on a passé la journée à jouer à Yggdrasil parce que on a été extrêmement frustrés de ne pas pouvoir gagner à tous les coups. Donc, ça nous a pris une dizaine de parties avant d'être capable de gagner vraiment par la peau des fesses à la dernière carte. C'est vraiment magnifique. C'est un jeu qui est quand même assez difficile à la base de gagner, un peu à la Ghost Stories. Et puis, une fois qu'on a réussi à gagner ou qu'on réussit à gagner de façon un petit peu plus régulière, disons peut-être plus qu'une fois sur 10, il y a des cartes qui sont intégrées déjà dans le jeu de base pour le rendre encore plus difficile. Donc, c'est une difficulté progressive, mais la difficulté de base est quand même assez « ouch » pour faire reculer le mal. Donc, c'est Yggdrasil, c'est absolument fabuleux. Wow, donc un jeu extrêmement difficile, Yggdrasil. Je rappelle rapidement les jeux que tu viens de nous parler. Donc Munchkin 3, la réimpression, Seigneur des Anneaux JCE, Resident Evil LCG, Escape from the Aliens in Outer Space et Yggdrasil. C'était les présentations de jeux de plateau, les suggestions de Chantal de Distribution Dude. Je te remercie beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. On se dit dans un mois? Oui. Ciao, ciao. Bye. Et sinon, on s'en va en musique? Oui, donc on va y aller avec une chanson qui est tirée d'un épisode de la série Firefly. Donc la chanson s'appelle Hero of Canton. Ceux qui ont déjà écouté la série, vous allez la reconnaître assez facilement sur la planète où est-ce que Jace est considéré un héros malgré lui. Donc on va pouvoir écouter ça dans les instants qui suivent, toujours sur les ondes de Sequoia. Vous écoutez Puissance Maximale. Et bien sûr, comme le disait, c'est le retour de Puissance Maximale. Et nous allons parler de cette fameuse Xperia, ce téléphone console de Ericsson, Sony Ericsson, avec Michael. Je l'ai entre les mains. Pendant ce temps-là, je vais jouer. Oui, ben en fait, je me suis procuré ce téléphone la semaine dernière. Étant dans la préhistoire du téléphone cellulaire, dans mon cas, j'ai opté pour un smartphone et j'ai décidé d'aller chercher l'Xperia Play. Donc, ce téléphone, c'est une exclusivité chez Rogers. Donc, vous ne pourrez pas le trouver chez d'autres compagnies de télécommunications. Seulement là, il est offert à 99$ pour un contrat de 3 ans. Il roule avec Android 2.3 Gingerbread. Donc, c'est la dernière version d'Android qui est sur le marché. Donc, disponibilité avec ce téléphone-là de à peu près tout ce qui se fait comme application Android sur le Android Market. Moi, je peux vous dire, j'ai fait des comparaisons de ce téléphone-là avec d'autres nouveautés comme, entre autres, le Nexus S de Google et d'autres téléphones du genre. Ah, tu vois, là, t'as le son, le son du téléphone. C'est live, mais bon, je vais l'enlever et on l'entendra plus. Et ben en fait c'est ça, j'ai fait des comparatifs avec d'autres téléphones, d'autres smartphones qui sont sur le marché, puis je voudrais, c'est à peu près c'était équivalent en fait, ce qui est un petit peu dommage pour un téléphone, puis je le dis là, c'est un téléphone qui est axé vraiment sur le jeu. Parce que la grosse particularité de ce téléphone-là, c'est que quand on va soulever l'écran, à place d'avoir un clavier comme plusieurs téléphones intelligents, vous allez avoir une manette de jeu, donc avec flèche directionnelle et les boutons PlayStation, parce que c'est le premier appareil certifié PlayStation. Donc, vous allez avoir des jeux qui sont disponibles pour Xperia Play, qui sont des jeux disponibles sur Android, mais optimisés pour ce téléphone-là. Et comme je voulais dire, comme je disais, c'est un téléphone qui a à peu près les mêmes caractéristiques techniques que plusieurs nouveaux téléphones. Donc, c'est un téléphone qui est très performant, très rapide. Il n'y a pas de ralentissement qu'on va l'utiliser, autant dans le jeu que pour l'utilisation du téléphone en tant que tel. Un des désavantages, pas un si gros désavantage que ça de ce téléphone-là par rapport à d'autres, c'est sa caméra vidéo. La caméra qui est fournie avec le téléphone, c'est un 5 mégapixels, ce qui est assez standard avec les téléphones qui sortent présentement, sauf qu'elle ne peut pas filmer en HD, ce que la plupart des nouveaux téléphones font. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas parce que moi j'y allais pour justement le jeu, pour l'avantage de la manette intégrée directement avec le téléphone. Donc, c'est un désavantage certes par rapport à d'autres téléphones, mais quand on est gamer, c'est pas vraiment ça qu'on va aller rechercher, mais c'est quand même à noter. Donc, le téléphone en tant que tel, je vous dirais, pour ceux qui s'intéressent par rapport au côté smartphone, vous avez une équivalence avec d'autres téléphones. Vous aurez aucun problème à l'utiliser. Il est pas lent, il est très rapide. Pas de problème d'utilisation. C'est un bon achat. Juste pour ça, c'est un bon achat. Si on parle des jeux maintenant, le principal avantage, la manette. Quand vous allez vouloir l'utiliser, disons, pour les jeux, bien, vous allez avoir votre manette directement. Et tous les bons joueurs savent qu'une vraie console de jeu, que ce soit à la maison, portable, ou si on veut jouer directement avec un téléphone, c'est toujours mieux d'avoir une manette entre les mains. Même si on aime bien jouer avec les Wii, Kinect et Move de ce monde, la manette, c'est toujours un must. Et donc, avec ce téléphone-là, on va chercher, justement. Moi, j'ai trouvé, je sais pas toi, Vincent, tu l'as entre les mains présentement. Moi, je trouve qu'il y a une bonne prise sur cette manette-là. Ça joue bien. On a même les boutons L et R en haut. Les gâchettes là, qu'on peut utiliser sur les manettes de PlayStation, on les a aussi sur le téléphone. Oui, en fin de compte, si on est habitué à une manette croix et boutons, là, ça va très bien. C'est vrai que les petits boutons à l'arrière, comme les triggers, sont très bien placés. Les petits sticks dont tu parlais, là, vraiment, c'est facile d'accès. Finalement, pouce. Ouais, parce qu'en plus des flèches, on a deux touchpads, on voudrait dire, ouais, qui vont simuler un peu les joysticks qu'on va trouver sur les manettes. Ça va être utilisable seulement avec les jeux optimisés Xperia. Parce que, évidemment, certains... Oui, Guillaume. Juste question de même, la manette. Dans le fond, vu le téléphone, c'est la manette en même temps. Je sais que moi, des fois, certaines manettes, quand c'est trop petit, ça me donne mal aux mains parce que je suis trop serré, je suis coincé un peu. Dans ce cas-ci, jouer exemple, pendant une heure de temps, est-ce qu'on va avoir mal aux mains? Est-ce qu'on va avoir les doigts? Ça dépend quel jeu. Si tu vas jouer, disons, un jeu de course, disons, avec le jeu, il y avait Asphalt 6 HD qui est offert gratuitement. On peut aller télécharger gratuitement. Il n'est pas offert déjà chargé dans le téléphone, mais on peut le chercher gratuitement après une ou deux courses parce que ça demande quand même beaucoup de manipulation. Oui, ça va paraître. C'est le téléphone, là, pour vous donner la dimension, pour ceux qui connaissent, c'était à peu près la même dimension que la PSP Go. Fait que c'est petit, il y a une bonne prise, mais c'est sûr que quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations à faire, vu que c'est petit, c'est sûr que ça peut apporter ce problème-là. Ben, si vous allez jouer à un RPG, par exemple, ça, vous n'aurez pas de problème. C'est le même principe, de toute façon, que l'iPhone, là. Je veux dire, à un moment donné, jouer sur le petit écran, ça vient coincer. Puis c'est en plein ça. C'est une nuance que je devrais apporter aussi en parlant du téléphone. C'est pas une console portable. Donc, ça va, c'est super intéressant si vous êtes justement un gamer qui voulait avoir un téléphone intelligent ou qui allait changer, c'est un bon choix à faire, l'Xperia Play. Si vous en avez déjà un, par contre, ça vaut peut-être pas la peine de changer vu que pour les caractéristiques système, ça va ressembler à la plupart des téléphones, mais ça a l'avantage d'avoir cette manette-là qui permet aux vrais gamers de jouer, d'améliorer leur expérience de jeu. C'est ça. Il y a des jeux compris avec l'achat du téléphone. Vous avez Bruce Lee Dragon Warriors, qui est un jeu de combat pas très réussi, malheureusement. Non. Pour l'avoir essayé quelques fois, moi, c'est pas un jeu que je vais jouer souvent. Vous avez deux jeux de sport, FIFA 2010, Madden 2011, qui sont, je vous dirais, assez semblables à ce que vous retrouvez sur console. Si vous êtes des amateurs, vous allez trouver votre compte là. Et un petit jeu de vaisseau combat dans l'espace et aussi sur Terre, qui s'appelle Star Battalion. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Facile à utiliser. Superbe graphique, je vous dirais. En général, ce que je viens de voir, là, c'est vraiment très bien fait. Graphiquement, là, c'est des jeux qui sont assez intéressants. Oui, ben ces jeux-là sont le fun. Puis encore, il y a une bonne collection de jeux à aller chercher dans la bibliothèque qui est optimisée Xperia Play, mais où je trouve qu'il y a un peu de choix limité dans la variété de jeux. Ça reste un téléphone cellulaire, c'est pas tous les jeux qui sont faciles à jouer sur ce genre d'appareil-là, mais j'ai hâte qu'il y ait d'autres choses qui sortent parce que je sais qu'ils vont refaire des jeux PlayStation 1 en PSX, PlayStation 1 pour version Xperia Play. Donc, on attend que la bibliothèque s'améliore un peu. Et gros avantage, c'est les amateurs, ceux qui vont chercher des émulateurs en application sur Android Market, la manette est compatible. C'est que vous allez la configurer dans les paramètres de votre émulateur préféré et vous pouvez jouer avec votre manette. Donc, Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy, même, j'ai réussi, 64, Nintendo 64, ça marche très bien. Ça ralentit un petit peu au début du jeu, mais ça va très bien. Le téléphone le supporte et il est supposé aussi, j'avais vu des tests sur Internet, supporter les émulateurs de PlayStation. Mais depuis la sortie, évidemment, Sony a joué beaucoup là-dessus et sur le Android Market, les émulateurs de PlayStation sont un peu plus difficiles à trouver parce que eux autres s'en viennent avec leurs jeux rafraîchis pour le téléphone. À vendre à un certain prix intéressant aussi pour eux. Ouais, ben c'est ça, c'est une couple de dollars. Habituellement, ça peut aller jusqu'à 5-6 dollars un jeu. Ça va dépendre justement de l'intérêt que vous avez par rapport à ça. Mais pour les émulateurs, là, pour l'avoir essayé sur plusieurs, là, ça vaut la peine, vraiment la peine. Il y a des gens qui se posaient la question, est-ce que ce téléphone-là va est-ce qu'il va se connecter au PSN? Pas pour le moment. Pour le moment, ben, on sait. C'est impossible. Pour le moment, c'est impossible, mais en tant que tel, non, c'est pas possible. Même si le PSN était en ligne en ce moment, ça serait pas possible. Il n'y a pas la fonctionnalité. Mais c'est pas sûr. Moi, je me suis promené beaucoup sur Internet. Ça parle, parce que là, présentement, il y a l'application PlayStation Pocket dessus, mais on parle de plus tard peut-être le connecter avec la PSN. Je vous dirais, c'est ça, je vous ramène la nuance aussi pour ceux qui s'attendent à avoir une console portable avec téléphone, c'est le contraire. On parle d'un téléphone qui a la possibilité d'avoir des jeux. C'est qu'il faut pas avoir moi je suis très très très content de mon achat parce que il fallait changer de téléphone et étant gamer, j'y trouve mon compte. Oui. Mais vous êtes un joueur qui vous cherchez une console portable, allez pas vers ce téléphone-là, allez vous chercher une PSP, allez vous chercher du Nintendo, 3DS, la nouvelle, allez chercher quelque chose du genre. Mais si vous avez besoin d'un téléphone, si vous voulez pas gamer tant que ça, vous voulez avoir un téléphone, un smartphone avec un gros plus game, c'est l'achat à faire, mais attendez-vous pas à avoir des performances de console, ça je vous le dis. Un des désavantages qu'on a aussi, qu'il y a des critiques qui sont sorties sur Internet, puis j'en parle aussi ici, c'est le rachat des jeux. Quand vous allez avoir des nouvelles versions qui vont sortir de PS1, disons que vous avez acheté votre Final Fantasy sur PlayStation Network, vous avez ça sur votre PS3, oui, et vous voulez avoir sur votre Xperia, il va falloir sûrement repayer. C'est pas confirmé, mais connaissant Sony et leur politique habituellement par rapport à ça, il va sûrement falloir le racheter. On va voir ce qui va en être. On va donner une chance à Sony de se prouver. On va attendre de voir ça arriver. Puis on verra à ce moment-là ce qu'il y en est. Mais il ne faut pas s'attendre. En tout cas, selon moi, je pense qu'on va être obligé de les racheter. Sinon, comme conclusion par rapport à ce téléphone-là, très bon. Ben oui, Guillaume, tu me question fais de même, juste pour côté prix, on parle de comment pour le téléphone, ça, est-tu gratuit avec un certain abonnement? Faut-tu comme j'ai dit tantôt là, au début de la chronique, là, c'est il est chez Rogers, il est détaillé à 99$ pour 3 ans, qui est à peu près là, ce que vous allez avoir, comme le Nexus S chez Vidéotron, il est à 140$, je pense, avec leur système à eux d'abonnement. C'est pour 3 ans chez Rogers, 99$. Sinon, le téléphone tout seul, c'est genre 550$. C'est les téléphones tout seuls, peu importe la compagnie, c'est jamais achetable. Non, là, c'est ça. Parce que les prix, en tout cas, ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, 550$, j'ai une Wii, une PlayStation 3 et beaucoup d'accessoires là, que je peux aller m'acheter pour ce prix-là comparé à un téléphone. Mais je vous dis, si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléphone, moi, personnellement, c'est la conclusion où je vais en venir là, par rapport à ce téléphone-là. Moi, j'étais à la recherche d'un nouveau téléphone. Je suis gamer et je voulais avoir un téléphone intelligent qui allait justement compétitionner avec ce qui est déjà en place ou ce qui vient de sortir, entre autres le Nexus S, qui est un téléphone performant. Mais vous avez les mêmes caractéristiques en plus du petit plus gaming. Moi, c'est un achat que je pouvais pas rater finalement par rapport au Xperia Play. Mais si vous avez déjà un téléphone intelligent, iPhone, HTS, Desire, whatever ce que vous avez, je conseille pas de changer de téléphone maintenant, surtout que vous allez avoir amplement le temps de voir autre chose arriver côté gaming. C'est ça, il y en a quand même. Entre autres, Sony qui va sûrement arriver avec quelque chose d'autre d'ici 2-3 ans là, par rapport au téléphone intelligent, même l'année prochaine, on sait pas. Là, j'ai pas d'autres projets en vue, j'ai pas vu d'autres choses. Donc, vous changez de téléphone, vous voulez quelque chose pour jouer, allez-y avec ce téléphone-là, parce que moi, j'ai passé la fin de semaine à m'amuser avec ce petit bidule-là. J'ai fait me promener sur Internet web, là, tout mes trucs web, je l'ai fait à partir de mon téléphone cette fin de semaine. C'est un vrai petit plaisir d'avoir ça sur soi, en plus d'avoir justement le côté gaming facile grâce à la manette. On se gâche pas avec des manettes virtuelles directement sur l'écran où on va se cacher justement du jeu parce qu'on a nos pouces sur les commandes. On voit tout, un gros écran de 4 pouces avec haute résolution. Ça vaut la peine d'acheter ce téléphone-là si vous êtes à la recherche d'un nouveau produit de télécommunication qui allie justement communication, Internet et gaming. Ben, j'ai bien hâte de voir également ce qu'ils vont faire avec s'ils font un lien ou non avec le PlayStation Network. Oui, ça va être à surveiller, ça. Parce que sur PlayStation Network, pas présentement, mais oui, présentement, mais c'est pas accessible. Mais il y a des petits mini qui sont accessibles, qu'on peut télécharger, qu'on peut mettre justement sur notre PSP. Mais ces mini-là sont déjà accessibles ailleurs aussi. Je pense juste à Angry Birds, par exemple, un jeu qui est super populaire. Mais il en parle, il y en a dans les... Bien. T'as pas besoin nécessairement d'être abonné à PlayStation Network pour avoir accès à ce jeu-là. Il est disponible sur n'importe quel. Dans les rumeurs, interface. C'est ça, dans les rumeurs, on parle beaucoup de mini game disponible sur PSN. S'il y avait un lien entre l'Xperia Play et le PSN qui s'en viendrait, ce serait que beaucoup de mini-games. Je ne sais pas ce qui va s'en venir à part ça. On va voir. Le temps nous le dira et Sony, s'ils le veulent bien. Mais pour les amateurs, c'est ça qu'ils veulent avoir. Un nouveau téléphone intelligent et gamé. Moi, je trouve que c'est la machine présentement à s'acheter. Excellent. Bien, merci beaucoup, Michael Michaud. Ça fait plaisir. On y va en musique. Oui, avec une chanson sélectionnée par Michael. Oui, en fait, j'ai découvert ça grâce à Brent Alfloss, qui est un autre artiste là, qui reprend des jeux vidéo grâce à son Twitter. Il nous a fait découvrir ça la semaine dernière. Un groupe qui s'appelle Random Encounter, qui refait eux aussi de la reprise de chansons, de musique de jeux vidéo. Et celle que je vous présente aujourd'hui, c'est tirée du jeu Chrono Trigger. Et pour ceux qui connaissent le jeu, c'est une musique qu'on va retrouver au début du jeu, à la foire où Chrono doit se rendre au début du jeu pour rencontrer un des autres personnages principaux. Ça s'appelle Millennial Fair. Et voilà. Toujours sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. 皆さんこんにちは。日本では、ナルトだけじゃなくて、みんなで、囲碁をしている。そしてな、ケベックにも、囲碁をしてください。今からプイサンスマクシマル来てください。 Et c'est maintenant le temps de parler d'un des phénomènes de l'heure. On parle ici de Game of Thrones, qui est une série qui passe présentement sur HBO, qu'on peut retrouver ailleurs que sur HBO, et également qui vient d'une série de 4 livres, dont le premier Game of Thrones. Et Guillaume va introduire le sujet. Oui, ben, au fait, c'est l'écrivain George R.R. Martin qui a écrit le roman La Série. La série télévisée de HBO a tiré son nom du premier livre qui s'appelle Game of Thrones, parce qu'il y a plus qu'un livre. Oui. Et la série télévisée a prévu de faire une saison par livre. Déjà, pour vous donner une idée, moi, dans le livre, actuellement, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, je suis rendu à 100 pages de lu. J'ai pas encore tout à fait le premier épisode de fait. Moi, je suis comme surpris, là. Justement, j'avais lu ça, moi aussi, qu'il voulait faire une saison. La deuxième saison est déjà signée, elle a déjà été approuvée. J'étais un peu surpris qu'il fasse, parce que là, c'est 10 épisodes, je pense, la première saison, hein, si j'ai bien lu. Ça, je suis pas sûr. J'ai regardé rapidement, mais j'ai pas été capable de confirmer l'information. Moi, j'avais compris que c'était une dizaine d'épisodes. En tout cas, on pourra voir, là. Et en 10 épisodes, ils pourront jamais faire tout ce qu'il y a dans un livre de 500-600 pages, là. Mais comme j'ai dit tantôt, une heure d'épisode, c'est équivaut plus que 100 pages déjà. Le premier livre, juste pour vous donner une idée, c'est environ 800 pages. Donc, c'est possible peut-être de le faire quand même. Faut pas se le cacher non plus. La série télévisée est pas 100% fidèle non plus au livre. Il y a des différences. Moi, personnellement, je trouve que c'est mineur. Ma femme, elle-même, qui a fini le premier livre là, pendant Pâques, elle a de la misère avec juste le premier épisode déjà là en partant, parce que il y a des différences. C'est pas tout à fait pareil, ça revient à la même chose dans l'histoire en bout de ligne, mais les petites différences qui sont là font qu'elle accroche là-dessus. Moi, personnellement, aucun trouble là-dessus. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, les romans et le film, il y a des différences. C'est différent, c'est pas pareil, mais l'histoire reste la même en bout de ligne quand même. Moi, non plus, je n'ai pas encore lu, c'est commandé. J'ai regardé en fin de semaine le premier épisode et bon, j'ai pas eu le temps de regarder 2 et 3. Et je suis même abonné à HBO en fin de semaine, juste pour prendre ça. Et j'ai écouté le 4e épisode hier soir, je vous en parle pas, je fais pas vraiment de spoiler là-dedans, rien de ça. Mais de ce que je vois présentement, c'est beaucoup plus quelque chose pour placer, comme on fait à peu près dans les premiers films d'une série, dans les premiers épisodes d'une série télévisée également, on place nos différents personnages, on apprend à les connaître. On apprend l'histoire de base, qu'est-ce qui se passe dans le monde et ça prend où est-ce qu'on s'en va. C'est pas tout le monde qui a lu le livre avant. Et présentement, je trouve ça bien fait, bien filmé. Les décors, c'est quand même extrêmement bien fait. Quand on parle, on passe de paysages super verdoyants à des paysages un petit peu plus sombres où il y a de la neige, on est dans le nord. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Il faut dire qu'il y a beaucoup de séries récemment, là, un peu à tendance historique, qui ont qui vont donner beaucoup d'importance justement au visuel puis à la qualité de la réalisation. On n'a qu'à penser, entre autres, au Borgias, qui est une série aussi qui est à saveur historique, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et si j'ai découvert ça en même temps un peu que Game of Thrones, puis je dirais que c'est superbe, moi, je trouve, Game of Thrones, pour les costumes, les accessoires. Moi, j'ai une formation en théâtre, donc ça m'intéresse beaucoup de regarder ces aspects-là. Puis effectivement, des fois, il manque un peu peut-être de... C'est moins léché un peu. Des fois, quand c'est des trucs informatiques, on le voit beaucoup. Mais Game of Thrones, je vous dirais que c'est quand même bien réalisé puis que ça passe très bien, ouais, justement, au visuel. Oui, parce qu'il y a quand même du visuel. On voit qu'il y a du visuel adapté aussi là, dans Game of Thrones. Là. C'est pas tout réel. Là. Mais justement, j'aime des séries, j'aime des films qui sont bien faits, dans lesquels, justement, ton œil ne sera pas... Il verra pas les défauts. Là. Il me semble des défauts qu'on pouvait voir, entre autres, si vous avez vu la série Spartacus Blood and Sand, qui est un truc que, justement, sur l'époque romaine, qui historiquement, écoutez pas ça pour le côté historique, là, vraiment pas. Mais c'est ça, il y avait des petits côtés esthétiques, justement, pendant les combats, parce que coup d'épée, pour avoir les ouvertures, les blessures, puis les giclées de sang, je dirais que des fois, ça paraissait trop cartoon. Peut-être que c'est un effet qui était recherché à la réalisation, mais moi, personnellement, ça m'avait pas plu. Tandis que dans Game of Thrones, personnellement, je trouve que le visuel est très, très, très, très bien réussi à ce niveau-là. C'est sobre, hein? On voit vraiment le côté noble de l'époque. C'est super bien fait visuellement, comme tu dis. Et il faut pas oublier aussi que la première des choses, cette série-là, du moins dans le début, on parle pas vraiment de magie partout. Oui, c'est du fantastique, mais c'est pas de la magie des magiciens partout. Il y a une histoire, il y a un background magique en arrière qu'on entend parler, qu'on sait qu'il existe, mais on voit pas des démons, des dragons au coin de rue, là. Donc, il y a pas trop d'effets visuels quand même, là. C'est plus de quelques effets visuels de paysage ou encore là de combat ou de mouvement, de manœuvre, mais on voit pas de boules de feu, d'éclairs ou quoi que ce soit. Pour avertir les gens, par exemple, que, en tout cas, pour avoir vu quelques scènes du premier épisode, entre autres, c'est assez graphique, hein. Il y a une scène de décapitation au début du premier épisode, on manque rien. Ça fait que c'est pas, puis en plus, tu sais, il y a le langage, puis il y a certains trucs. Une autre tendance, des fois, que j'aime pas trop dans certaines grosses séries américaines, peut-être le côté un peu de la sexualité, beaucoup, beaucoup exposé. Oui. C'est moins pire, beaucoup moins pire dans Game of Thrones, je vous dirais. On en voit un peu, mais contrairement, entre autres, à Spartacus, puis des fois, peut-être un peu dans les Borgias, ça, Game of Thrones, c'est quand même bien dosé. C'est un peu comme la série Rome, où est-ce qu'on, oui, on avait de la nudité quand même. C'était pas la nudité nécessairement gratuite. Elle avait sa place pour représenter le monde, l'univers, l'époque. C'est un petit peu la même chose ici. C'est pour représenter certains personnages, certaines cultures. Ben, c'est ça. Je trouve que c'est bien dosé dans Game of Thrones. C'est bien dosé, effectivement. Contrairement à des fois, je reprends Spartacus, là, qui est une autre série que j'ai tout écouté l'année passée, où il y en avait, selon moi, beaucoup trop pour... Ça menait absolument rien à l'histoire. C'était pas dosé. Je trouve que c'était pas dosé du tout. C'était pas intéressant. Donc, contrairement à Game of Thrones, où il va y avoir justement ces trucs-là qui vont être montrés, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est montré. C'est mieux dosé dans cette série-là. Mais effectivement, là, l'esthétique, moi, j'ai vraiment beaucoup adoré. J'ai adoré ça. Puis ma copine, avec qui je l'ai écouté, aussi a beaucoup aimé. Le jeu d'acteur est bon aussi. On a Sean Bean qui jouait Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, qui est un des rôles principaux de la série. Très bon, c'est un bon jeu d'acteur. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Même les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs enfants là, dans la série, parce que dans les romans, il y a beaucoup d'enfants qui dans l'histoire. Leur jeu est quand même bien. C'est sûr, certain que c'est pas comme un adulte poussé comme jeu d'acteur, mais c'est bon, c'est crédible. On y croit. Mm-hmm. On y croit quand même. Là. On n'a pas l'impression qu'ils ont pris le jeune, puis finalement, on va prendre lui parce qu'il n'y en a personne d'autre. Ils ont été chercher des jeunes qui ont un certain talent, puis qu'on peut croire Vu la grosseur des productions aux États-Unis, là, l'argent qui est mis dedans, là, puis la grosseur du système du show business américain, là, ils prennent habituellement, pour ce genre de série-là qui leur coûte énormément cher en production, ils prennent le temps habituellement de prendre, surtout pour les enfants aussi, là, de prendre les acteurs qu'il faut. Et justement, cette série-là, ils ont annoncé là, que juste le premier épisode a coûté environ une dizaine de millions à produire et les coûts vont être environ de 50 millions pour la première saison totale. Grand même des bons coûts, mais HBO a tendance à faire des bons succès aussi qui attirent le monde. Là. De là où je suis surpris du fait qu'ils pensent peut-être le faire seulement une saison par volume. Tant qu'avoir investi dans du décor, tant qu'avoir investi... parce que 50 millions, ça doit inclure vraiment tout ce qui est... Si j'étais eux, je le ferais sur deux saisons. Ben, je ferais Game of Thrones sur deux saisons, puis je ferais après ça Lord of Something Else. Je me souviens plus c'est quoi le deuxième titre. J'y ferais sur... quitte à peut-être avoir un succès de 8 saisons. C'est aussi ça le problème, c'est l'argent, parce que c'est de l'argent investi, mais c'est parce que ça leur coûte aussi beaucoup d'argent à faire. Puis plus on a d'épisodes, mais c'est des cachets aussi. Les acteurs demandent beaucoup, beaucoup d'argent. Pour ceux qui connaissent l'émission Big Bang Theory, il y a des acteurs là-dedans, les acteurs principaux sont payés, ils étaient payés 50 000 $ par épisode dans les premières saisons. Puis pour la quatrième, cinquième saison, on parle des trucs qui frisent les 200 000. Là. C'est qu'imaginez tous les acteurs qui sont, puis on a des têtes d'affiche, dont Sean Bean, plus justement là, tout l'argent investi pour les décors moins, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup fait par ordinateur. Mais les costumes, ces trucs-là, c'est de l'argent investi, mais c'est des chances. Il y a beaucoup de changements dans ces trucs-là aussi d'une saison à l'autre. Fait qu'il faut aussi prendre ça en compte, mais nous, on est fans, fait qu'on va en voir plus. Il faut pas oublier aussi que s'ils font trop d'épisodes, oui, ils vont pas dire l'histoire plus comme qu'elle est dans le livre, mais il y a des gens qui vont décrocher si il y a trop de bout, où est-ce que ça fait juste parler, il y a pas d'action. Donc, c'est une question de dosage aussi. Si on double le nombre d'épisodes, en ce moment, je suis pas sûr si nécessairement tous les épisodes auraient la même qualité. Il serait aussi que les gens resteraient accrochés devant la télévision à regarder puis dire bon, j'ai eu l'impression d'avoir écouté un épisode qui m'a donné quelque chose au lieu de une heure, disons 40 minutes de juste de parlage, on n'en prend pas grand-chose quand même. Les gens vont décrocher un peu plus. Qu'est-ce qui va faire que les codes d'écoute vont baisser? Va peut-être être moins rentable en bout de ligne. C'est de là le besoin d'adaptation là, pour le médium télé. C'est ça qu'on on parlait tantôt là, des différences avec le livre et des trucs ouais. pour la télé qui sont moins vendeurs. Puis ça, faut jamais oublier ça. Puis au cinéma aussi, pour les fans, pour les puristes un peu de chacune des séries, entre autres, là, on parlait du Seigneur des Anneaux tantôt, ceux qui ont moins aimé certains changements, ben il faut être conscient aussi que le cinéma et la télévision ont des exigences marketing, mais aussi pour le médium. C'est-à-dire, quand on parle de télévision, il y a des choses qui sont accrocheurs à la télévision qui ne sont pas dans un roman et vice-versa. Donc, avoir un épisode d'une heure, parce que c'est des épisodes d'une heure, là, Game of Thrones, une heure de diplomatie, il y en a qui très près, mais la majorité des spectateurs de ce genre d'émission-là, de ce genre de chaîne-là aux États-Unis, ben ça va peut-être justement être moins vendeur, puis ils veulent pas perdre d'auditeurs. C'est vrai aussi, j'avais pas pensé, mais c'est pas à large public, hein, c'est pas tout le monde qui a HBO non plus. C'est ça, c'est une chaîne câblée, là, c'est une chaîne payante. Tu t'abonnes, ça coûte tant, oui, mais je veux dire, c'est pas les 300 millions d'Américains puis les 37 millions de Canadiens qui l'ont tous. Hein. C'est oui. ça. Mais faut pas oublier aussi que Game of Thrones, c'est plus que genre l'Amérique du Nord, c'est l'Europe aussi, c'est l'Asie, c'est une série très très connue. Beaucoup de gens avaient des attentes. Éventuellement, ça va sortir aussi sur le magasin iTunes, le App Store. On va pouvoir éventuellement l'acheter là aussi. Ben, c'est sûr. Les DVD ils vont l'exporter. Il va tout avoir. Qu'est-ce qui va alentour? Ah oui. Avec les extras, tout ça. Donc moi personnellement, comme qu'on disait, là, une très bonne série. N'importe qui aime moins de romans ce genre-là, un peu la série historique sans être l'histoire nécessairement, mais là, un petit peu le médiéval, tout ça. Moi, je dis tout de suite, dès que vous avez la chance, écoutez ça, puis suivez la série, ça vaut vraiment la peine. Et également quatre bons romans. Quatre bons romans. Pour ceux qui sont intéressés, le premier roman, comme qu'on a dit, c'est Game of Thrones. Le deuxième, c'est A Clash of Kings. Le troisième, A Storm of Swords. A Storm of Swords et le dernier A Feast of Crows qui est le quatrième roman. Quand même, et ceux qui deviennent intéressés, on vous suggère de lire les livres. Très bon commentaire. Moi-même, jusqu'à date, qu'est-ce que j'ai lu, ça se lit très très bien. Ça vaut la peine. Il y a des jeux de rôle basés là-dessus pour ceux qui deviennent intéressés par après. Il y a même un jeu de plateau aussi. Donc, un jeu de cartes aussi que Chantal a mentionné légèrement tantôt, qui a eu peut-être un petit peu moins de succès, mais quand même qui existe. Donc, tout plein de produits dérivés pour aller voir par la suite. Bien, c'était un petit tour de table sur Game of Thrones et on va y aller en musique juste avant la fin de l'émission. Oui, on va y aller avec une chanson malheureusement écourtée un peu, mais on va y aller quand même. Une chanson que j'ai choisie parce que j'ai joué à Arkham Horror dans le dernier mois, plusieurs parties, et un des gros méchants qu'il fallait se battre contre, c'était Assur de King in Yellow, et donc la chanson de Metallica, King Nothing, qui fait tellement penser à ça. Je sais pas s'ils s'inspirent de lui, mais... Ils se sont déjà inspirés de l'univers en tôle de Call of Cthulhu et de Lovecraft là, pour faire des chansons, c'est que ça se pourrait très bien. Donc, on va écouter une version légèrement écoutée, mais quand même, ça vaut la peine qu'est-ce qu'on va entendre. Toujours sur les ondes des CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. Et c'est la fin de Puissance Maximale, cette édition du 9 mai 2011. On remercie tout le monde qui a participé, en commençant avec Chantal Campagna, qui nous a parlé de jeux de plateau. François Gécouillard également, qui est avec nous en début d'émission. Merci beaucoup à Michael Michaud. Un petit rappel pour ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière, Artemis, Page Bridge, Simulator. Si vous êtes intéressé, venez sur le site de Puissance Maximale, envoyez-nous un courriel sur Facebook. Puis on essaie de former une petite armada à Québec pour jouer avec les gens de Montréal. Ouais, fait qu'on venait essayer ça sur Internet, puis venez nous voir si ça vous intéresse d'embarquer dans la gang. Andrew Castegan a été avec nous, il a pris des notes aujourd'hui. Je me suis abreuvé de votre savoir. Excellent. Ben, merci beaucoup, Andrew. Merci, Guillaume, d'avoir été avec nous également. Ça fait plaisir. Et on vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Mm. Woo! All right. Take it home. Solo for you. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon...